quand tout va mal, je me pète le bétou. Je peux jamais la garde, mais je sais que je vais prendre des coups. Oubliez-moi, vous me rendez fou. Oh mon bébé, je t'aime comme à notre premier rendez-vous. Toute l'année, prison dorée, c'est malheureux. Bientôt je m'en vais, je fais mes valises. C'est Martin Venise, la chale à la cornice, au petit Nice. Je crois que pour être un homme, faut souffrir en silence. Je pense à ce que j'ai perdu quand je vois l'étoile filer. Mon cœur est blessé, j'en ai vu changer pour des sous, changer à l'évêché. Quand ça parle de mandat défaut, ou ça tape dans le VTC, ou cagouler ça monte sur des coups. Tu veux t'en sortir ici, faut un carré. J'sais pas que j'suis le king, king, king. J'sais pas que j'ai tout, tout, tout. J'mets toujours pas de jean, jean, jean. J'monte pas mes sous, sous, sous. J'suis dans la ville, ville, ville. Stock dans le transit, zit, zit. J'tourne dans les quartiers, tchè, tchè. Y'a des haras, ça s'agite, shit, shit. J'crois j'vais m'poster dans le camion, dormir à côté de la Kawasaki. Et si on me cherche, alors j'suis pas là. 4h40, je suis sous Cali. Et y'en a, ils ont fait les putanas. Mais là, c'est la vie. Y'a une personne que j'aimais bien, pas eu le temps de dire ciao. J'peux te dire que j'en ai versé des larmes quand il est parti là-haut. J'pense à mon zin qui peut que voir la lune derrière les barreaux. J'me lève sur les nerfs, envie de fumer ou de mettre des chaos. Mon cœur est blessé, j'en ai vu changer pour des sous, changer à l'évêché. Quand ça parle de mandat défaut, ou ça tape dans le VTC, ou cagouler ça monte sur des coups. Tu veux t'en sortir ici, faut un carré d'écouille. Mon cœur est blessé, j'en ai vu changer pour des sous, changer à l'évêché. Quand ça parle de mandat défaut, ou ça tape dans le VTC, ou cagouler ça monte sur des coups. Tu veux t'en sortir ici, faut un carré d'écouille.